À l'occasion du 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il, il y a eu la cérémonie de donation des livres coréens à la Bibliothèque nationale des sciences de l'Extrême-Orient de Russie. Y ont participé le directeur et le personnel de la bibliothèque et les personnalités des presses écrites et parlées de Russie. Y ont été invités le consul général à Juan et les consuls coréens à Khabarovsk. Dans la salle de cérémonie, étaient exposées des œuvres classiques du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du dirigeant suprême Kim Jong-un, ainsi que d'autres livres coréens. Lors de la cérémonie, les livres coréens ont été transmis au directeur de la bibliothèque.